j'm'en tape. J'm'en tape. C'est comme ça et j'm'en tape. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Je m'en tape, une émission dédiée à la découverte du développement personnel pour créer une vie qui vous ressemble en développant vos savoir-être. Je suis Émilie Adam, coach en développement personnel et professionnel à Nancy et je suis heureuse de vous présenter cette chronique pour vous initier au développement de vous-même. Le principe est simple, il est de vous présenter un thème sur un sujet pendant 10 minutes et des éléments concrets pour avancer personnellement. Alors c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des émotions. Qui n'a jamais ressenti une joie intense en achetant son premier lave-vaisselle après 3 ans de vie étudiante, une bouffée d'angoisse en regardant un film d'horreur avec une poupée tueuse, une rage folle en voyant que votre chien a dévoré vos chaussures préférées? À l'origine, une émotion c'est une information envoyée par le corps pour nous donner une indication par rapport à un événement extérieur. On parle de 6 émotions de base, la joie, la colère, la tristesse, le dégoût, la surprise et la peur. Les autres émotions sont dites complexes et c'est un mélange de plusieurs émotions de base. Quand nous ressentons une émotion, c'est le corps qui tente de communiquer avec nous. C'est un peu comme s'il nous envoyait un SMS avec une émoticône, et il faut juste apprendre à le décrypter, et c'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Alors d'abord, faisons rapidement un petit tour dans le cerveau. Nous avons 3 cerveaux en un peu comme mes pastilles de la vaisselle, le cerveau reptilien qui gère les fonctions automatiques comme la respiration et la digestion, le cerveau limbique qui gère les émotions, et le néocortex, le cerveau de la réflexion, qui nous permet de relativiser et d'élaborer des plans et des stratégies. Quand nous sommes dans l'émotion, une partie de notre cerveau de la réflexion se bloque. Donc nous redevenons un peu comme des enfants de 3 ans l'espace d'un instant, et nous n'arrivons plus à prendre du recul par rapport à la situation. Ce sont les émotions qui prennent le contrôle, et c'est comme ça qu'on se retrouve à hurler sur ses enfants pour qu'ils arrêtent de crier, ou à insulter le mec devant nous qui a oublié son clignotant, mais en même temps il aurait pu quand même le mettre son clignotant, espèce... Bref, ça m'apprendra à écrire cette chronique en voiture avec mes enfants derrière. Alors décodons maintenant les différentes émotions de base et leur signification. Quand mon corps m'envoie de la joie, eh bien il me dit « Vas-y Émilie, recommence, c'est super bon pour toi !» Alors évidemment, je parle des émotions saines par rapport à des comportements sains, parce que si je me prends une bonne cuite, je vais être super joyeuse dans l'instant, mais ça veut pas forcément dire qu'il faut que je recommence. La joie, c'est une émotion qui nous pousse vers le haut. Ensuite, si mon corps m'envoie de la colère, il me dit « Émilie, là, il y a une frontière, une valeur, une limite qui n'est pas respectée. » Donc il va falloir faire respecter ça et recadrer là où les personnes qui viennent d'enfreindre mes règles du jeu. Alors, pas avec une batte de baseball, évidemment, mais en communiquant de manière non violente, par exemple. La colère, c'est une émotion qui nous pousse vers l'avant, dans l'action. Quand mon corps m'envoie de la tristesse, il me dit « Là, Émilie, il faut que tu te poses un instant pour vivre un deuil, un changement. » C'est une émotion qui pousse vers le bas et qui invite à s'arrêter un instant pour faire une pause. Ensuite, si mon corps m'envoie du dégoût, il me dit « Émilie, éloigne-toi de cette chose, elle est vraiment pas bonne pour toi. » C'est pour ça que j'ai arrêté les brocolis et les épinards. C'est une émotion qui permet de prendre de la distance par rapport à cette chose qui nous dégoûte. Quand je ressens de la peur, mon corps me dit « Émilie, ce truc-là, il fait super flipper, protège-toi !» C'est une émotion qui nous empêche de foncer tête baissée dans l'action et qui nous invite à la prudence. Ou alors, qui enclenche 3 processus de défense, la fuite, faire le mort ou attaquer. Et franchement, face à un brocoli, la meilleure des stratégies, c'est encore la fuite. Et dernière émotion de base, la surprise, c'est une émotion de flottement qui me dit « Émilie, il va se passer un truc. » Donc ça me permet d'être plus vigilante l'espace d'un instant pour accueillir ce qui va arriver. On parle souvent d'émotions agréables, désagréables, positives ou encore négatives. Moi, je dirais que les émotions ne sont ni l'une ni l'autre, elles sont simplement là pour nous donner une information. Alors là, je parle évidemment des émotions saines. Une émotion saine, c'est une émotion qui est bien dosée par rapport à l'événement. Elle dure 90 secondes et puis elle finit par s'apaiser. Cependant, pour beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas appris à écouter nos émotions et nous les considérons comme quelque chose de dangereux, voire d'inutile. Par exemple, enfant, peut-être vous a-t-on déjà dit, si vous êtes un garçon, « Ah, arrête de pleurer, les garçons ça chiale pas, les mecs c'est fort, on n'est pas des mauviettes, c'est les filles qui pleurent. » Ou encore, si vous êtes une fille et que vous vous êtes mise en colère, on vous a peut-être dit « Oh là là, qu'est-ce que t'es moche quand tu te mets en colère, va te calmer dans ta chambre. » Et puis petit à petit, vous avez développé une sorte de carapace pour correspondre à ce que l'extérieur attendait de vous et vous vous êtes entraîné à cacher certaines de vos émotions parce qu'elle n'était pas acceptable aux yeux des autres. Donc, au lieu de vivre l'émotion 90 secondes et de la digérer, eh bien, vous allez accumuler des couches et des couches et des couches d'émotions refoulées, et à un moment donné, eh bien, tout ça, ça va exploser. Et c'est comme ça que certaines personnes pètent un câble ou s'effondrent par rapport à un petit événement, ou encore tombent en dépression ou en burn-out. C'est souvent l'accumulation des différentes émotions non exprimées qui fait exploser le système. C'est un peu comme si vous conduisiez une voiture et qu'à chaque fois qu'un voyant orange ou rouge s'allume sur le tableau de bord, et bien hop, vous mettez un petit coup de marqueur noir dessus, histoire de pas le voir. À un moment donné, votre voiture, elle va forcément s'arrêter. Croyez-moi sur parole, j'ai essayé le coup du marqueur, ça marche pas du tout. Et pour les émotions, c'est pareil. Et là où normalement nous devrions avoir des émotions saines, de courte durée, eh bien nous avons des émotions qui durent dans le temps, qui deviennent des sentiments ou des humeurs, voire même des traits de personnalité quand elles perdurent plusieurs mois ou années. Parce qu'à force de ressentir la même émotion tout le temps, eh bien vous vous êtes musclé, entraîné à la mettre plus en avant que les autres. Et on finit par s'identifier à l'émotion à tel point qu'on dit « Ouais, Jacqueline, elle est dépressive, jamais rien ne va. Et puis Jean-Pierre, il est colérique, de toute façon, on peut rien lui dire. » Et le système, il s'est tellement habitué à avoir ces émotions que quand elles ne sont pas là, il est déstabilisé. Et il va tout faire pour créer cette émotion, pour que tout soit comme d'habitude. Alors imaginons Jacqueline, qui est un petit peu plus joyeuse que d'ordinaire, et bien son système, il va paniquer, il va se dire « Oh là, qu'est-ce qui lui arrive à Jacqueline? Elle est bien trop joyeuse aujourd'hui. » Et le système qui d'habitude accueille la tristesse et la dépression, il est en manque. Et il va se dire « Vas-y, envoie-lui le souvenir de son chat qui est mort pour qu'elle soit à nouveau triste comme d'habitude. » La bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi s'entraîner à ressentir d'autres émotions comme la joie, l'amour, la bienveillance. Et finalement, c'est juste une histoire de répétition, d'entraînement et de choix. Alors c'est bien beau tout ça, mais comment fait-on pour mieux gérer ses émotions? Eh bien c'est parti, je vais vous partager 4 conseils. Alors la première étape, ce serait de réussir à faire un pas de côté pour être plus dans l'observation de ce qui se passe en vous. Souvent, avant que l'émotion n'explose, le corps nous envoie de nombreux signaux d'alerte. Alors pour être plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous, un des outils les plus favorables, c'est la méditation pleine conscience. Vous trouverez largement de quoi vous documenter sur internet ou en écoutant ma précédente chronique sur le stress, mais disons qu'en deux mots, la méditation pleine conscience va vous permettre d'apprendre à être dans l'instant présent et d'observer vos pensées, émotions et sensations corporelles. Ça évite de mettre un coup de marqueur sur le tableau de bord de sa voiture. La méditation, elle va vous permettre de prendre conscience et d'observer le voyant qui s'allume. Une fois que vous avez identifié l'émotion qui est à l'intérieur de vous, la deuxième étape, c'est de la laisser sortir dans un cadre sécurisé. On s'est tous déjà énervé contre quelqu'un en vidant son sac et en déversant notre rage, mais malgré tout ça sert à rien et c'est absolument pas constructif et surtout ça nuit à la relation avec la personne. Par exemple, pour laisser sortir sa colère dans un cadre sécurisé, inutile de casser la gueule à votre voisin, mais imaginez plutôt dans votre tête que vous faites et vous lui dites tout ce que vous avez envie de faire. Comme votre cerveau émotionnel ne fait pas la différence entre quelque chose qu'il imagine ou qu'il fait vraiment, ça va apaiser une partie de votre colère puisque votre cerveau limbique croira que vous l'avez vraiment fait. Et si votre voisin est plus musclé que vous, ça vous évitera de finir à l'hôpital. Vous pouvez également imaginer que vous lui écrivez une lettre dans laquelle vous lui dites tout ce que vous avez à dire. Évidemment, vous n'envoyez pas cette lettre. Ou alors, vous découpez de petites lettres dans le journal et vous signez le corbeau. Mais je vous déconseille, puisque l'émotion étant temporaire, une fois la lettre écrite et une fois toute cette colère exprimée sur le papier, elle va s'apaiser petit à petit. Et puis surtout, je vous invite à réitérer l'expérience plusieurs fois par rapport à la même situation, parce que parfois vous avez accumulé tellement d'émotions qu'il faut un petit peu de temps pour tout laisser sortir. Un autre exemple pour lâcher votre tristesse, il suffit de mettre une musique un peu triste et puis d'observer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Où elle est cette tristesse dans votre corps? Et petit à petit, à force de vous entraîner, il vous sera plus facile de lâcher et de réussir à pleurer. Sinon, vous pouvez regarder Titanic. Tiens, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre des glaçons dans mon verre. Ensuite, troisième conseil, je vous inviterai à aller travailler sur votre passé, qui peut engendrer des émotions démesurées par rapport au présent parce qu'ils ont été accumulés depuis des années. Par exemple, si à chaque fois que vous voyez votre mec couché sur le canapé en train de regarder la télé ou que vous avez envie de le frapper avec la télécommande, demandez-vous si ça vient pas de votre enfance et comment ça se passait entre vos parents sur ce sujet. Et dernière étape, entraînez-vous chaque jour à ressentir des émotions comme la joie, l'amour ou encore la bienveillance pour muscler votre système à être plus heureux. En attendant, je vous souhaite une belle exploration de vos émotions et je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique, je m'en tape.